Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver la méthode scientifique. Nous célébrions hier, un peu en avance, les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. C'est un autre anniversaire spatial que nous célébrons aujourd'hui, mais d'un genre différent, une aventure qui ne s'est pas tout à fait aussi bien terminée. Un vaisseau spatial, le Nostromo, un équipage d'ouvriers obligés de faire une étape sur leur chemin de retour pour répondre à un signal d'alarme. Le 25 mai 1979 était projeté sur les écrans de cinéma américain un ovni cinématographique, Alien, le 8e passager de Ridley Scott, qui ouvrait la voie à un nouveau genre encore assez peu exploité de la science-fiction, le space horror, l'horreur spatiale. Space Horror, dans l'espace, on n'a pas fini de crier, c'est le programme Nécromorphe qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce genre d'horreur spatiale, tant en littérature qu'en cinéma et bien sûr dans le jeu vidéo, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Béchelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur S art et sciences de l'art, professeur d'art plastique et plasticien vidéaste, auteur de Apport de l'iconographie sidérale aux problématiques spatiales vidéoludiques, le cas des jeux vidéo horrifiques, c'est à lire dans Open Edition Actu. Bonjour Alexis Blanchet. Bonjour Nicolas. Vous êtes maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et bonjour Simon Rio. Bonjour Nicolas. Rédacteur en chef du site Écran Large. Mais avant de vous retrouver, elle est la reine mère des informations scientifiques les plus terrifiantes. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Voilà, avec une semaine particulièrement chargée, puisque mercredi était une journée fournie pour l'actualité scientifique, avec l'annonce de la première photographie d'un trou noir supermassif. Nous avions fait un Journal des Sciences spécial auquel nous vous renvoyons, puisque nous n'allons pas en reparler aujourd'hui. On en a fait bien le tour mercredi. On vous met le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Mais aussi, je vous l'annonçais mercredi, une autre annonce, un peu plus tard, vers 19h, celle d'une nouvelle espèce humaine, Homo luzonensis, Natacha. Après Homo sapiens, les néandertaliens, l'homme de Denisova en Sibérie, l'homme de Flores en Indonésie. Voici donc une cinquième espèce du genre Homo, l'homme de Luzon. Alors c'est une découverte qui a été faite dans la grotte de Calao, sur l'île de Luzon, dans les Philippines. Lors d'une fouille en 2007, les chercheurs ont d'abord trouvé des ossements de pieds, puis en 2011 et en 2015, des dents. En tout, 13 fossiles. Ils ont été datés entre 50 à 67 000 ans, c'est ce qui signifie qu'ils sont contemporains à Homo sapiens. Dans la région, ce sont les restes humains les plus anciens. Et c'est en combinant l'ensemble de ces 13 fossiles que les chercheurs se sont rendus compte qu'ils ne correspondaient à aucune des espèces connues jusqu'à présent. Florent Détroit est paléanthropologue au Musée de l'Homme à Paris. Il a co-dirigé cette étude. Il nous en dit plus sur les caractéristiques morphologiques de ce cousin préhistorique. C'est intéressant, c'est parce que dans notre cas, sur les ossements des pieds de Homo luzonensis, on a mis en évidence des caractéristiques tout à fait inhabituelles, inconnues à ce jour dans le genre Homo, et qui sont connus uniquement dans le genre Australopithecus, et ce sont des caractères qui nous font penser en général à des capacités au grimper dans les arbres. Il ne devait pas être très très bon bipède avec ses pieds un petit peu bizarres, avec ses phalanges courbées et ses métatarsiens courbés également. Sur les dents, on a plusieurs choses très intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette dent, il y en a 5 pour lesquelles on est sûr qu'elles proviennent du même individu. Ça vient d'une même bouche. Ça, on le sait parce qu'il y a une exacte correspondance des facettes de contact hein, entre les différentes dents. Les prémolaires d'Homo luzonensis ont 2 à 3 racines. C'est tout à fait singulier parce que c'est chez nous aujourd'hui, on a une racine, parfois 2. Ces prémolaires à 3 racines, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, chez les Australopithecus. Et quand on fait les mêmes comparaisons, les mêmes descriptions, les mêmes analyses sur les molaires, dans le sens où elles ressemblent beaucoup aux molaires d'Homo sapiens, en plus petit, mais quelque chose qui est très très très moderne. Donc on a dans la même bouche une juxtaposition de prémolaires très primitives et de molaires très modernes. Et ça, c'est la première fois qu'on trouve ça chez une espèce du genre homo. Voilà, Florent Détroit qui nous avait quasiment annoncé presque à demi-mot ce scoop dans l'émission ici, autour de cette table de la méthode scientifique, dans l'émission consacrée à l'homme de Florès. On va vous remettre là aussi le lien vers le podcast sur le fil Twitter de l'émission, @laméthodefc. Et là, donc une cinquième espèce du genre homo en Asie, hein, surtout. C'est ça qui est de plus fascinant, parce que jusqu'à présent, on pensait qu'Homo erectus avait disparu vers 300 000 ans, puis qu'Homo sapiens le succédait en arrivant en Chine vers 100 000 ans. Point. Alors maintenant, on se pose la question de l'origine de ces fossiles. S'ils viennent de Chine, s'ils viennent d'Indonésie, comment sont-ils arrivés là? L'île n'a jamais été reliée au continent, donc comment ont-ils traversé ce bras de mer? On sait aussi que sur cette île, les hommes étaient là il y a 700 000 ans. À quelques kilomètres de la grotte de Callao, on a retrouvé des fossiles de rhinocéros qui portent des traces de découpe par des outils. Alors est-ce que l'on a affaire à de l'endémisme insulaire, c'est-à-dire d'une évolution dans un contexte d'isolement? Dominique Grimaud-Hervé est professeur en paléanthropologie au Muséum national d'histoire naturelle. Pour elle, ces îles du sud-est asiatique sont de nouveaux observatoires de l'évolution humaine. Ces contextes insulaires, en fait, on y observe des adaptations morphologiques qui sont tout à fait étonnantes, qui allient des caractères primitifs avec des caractères dérivés. Et donc, évidemment, on est surpris parce qu'on voit ça nulle part ailleurs. Et à chaque fois, c'est des compositions, des mosaïques qui sont différentes, qui est complètement différente de ce qu'on observe sur le continent. Ce que je trouve aussi intéressant avec ces découvertes, c'est que j'ai l'impression que ça nous oblige à complètement reconsidérer l'évolution de l'homme en Asie. Exactement, mais pas en Asie, dans le monde entier. On savait déjà qu'il y avait plusieurs espèces dominines qui étaient contemporaines, par exemple avec Néandertal et Homo sapiens, mais aussi Néandertal et Homo erectus, puisque les Homo erectus sur l'île de Java, les plus récents, donc sont datés de 300 000, 200 000 ans, donc c'est pas si vieux que ça, quoi. Donc là-dessus se rajoute l'homme de Florès et plus l'homme de Luzon, plus Denisova. Donc c'est vrai que on est bien loin de l'évolution linéaire d'il y a une trentaine d'années. L'évolution, elle est très très buissonnante et chaque espèce est adaptée finalement à son environnement et évolue parfaitement dans cet environnement et est très performant. Toutes les nouvelles découvertes complexifient tout cet arbre avec de nombreuses espèces qui sont contemporaines. Et c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Voilà, et cet arbre de plus en plus touffu et buissonnant, nous y reviendrons sur cet homme de Luzon dans une émission complète dans les jours qui viennent. En bref, maintenant, Natacha, dans le cadre d'une expérience, sur l'évolution de l'intelligence humaine, des scientifiques chinois ont implanté un gène du cerveau humain à des singes. Et ce n'est pas n'importe quel gène. Le gène MCPH1 tient un rôle important dans le développement du cerveau. Alors sur les 11 macaques, 5 ont survécu. Comme pour les humains, les cerveaux des singes ont mis plus de temps à se développer. Ils ont ensuite passé avec succès des tests sur la mémoire à court terme, avec des résultats bien meilleurs que ceux des singes non génétiquement modifiés. Sur un plan éthique, ces recherches suscitent une controverse internationale. Les glaciers des Alpes pourraient fondre intégralement d'ici 2100. Oui, selon les modélisations, d'ici 2050, les 4000 glaciers alpins devraient perdre la moitié de leur volume. Par ailleurs, une étude parue lundi dans Nature confirme qu'en 30 ans, la fonte des glaciers dans le monde s'est accélérée. Les Alpes, la Patagonie et l'Alaska sont les glaciers les plus affectés par la hausse des températures. Et puis le projet européen Beyond Epica Oldest Ice va forer la glace de l'Antarctique pour tenter de récupérer un échantillon vieux de 1,5 million d'années. Et pour ça, il va falloir creuser jusqu'à 2700 mètres de profondeur, alors se procurer de la glace si ancienne, c'est pour mieux comprendre l'histoire du climat. La glace enferme de minuscules bulles d'air de l'époque où elle s'est formée. Les forages précédents nous ont permis de remonter jusqu'à 800 000 ans et de connaître la composition chimique de l'atmosphère. Donc là, ce prochain forage est prévu pour 2021 sur Little Dome Sea, l'un des endroits les plus froids de la planète. Deuxième sujet de ce journal, un nouveau rebondissement sur la présence du méthane sur Mars. Selon une double étude parue dans Nature ce mercredi, les spectromètres du Trace Gas Orbiter n'ont trouvé aucune trace de méthane dans l'atmosphère de la planète rouge. Rechercher du méthane sur Mars, hein, c'est chercher une trace de vie, hein, car il peut être généré par des phénomènes géologiques, mais aussi par une activité biologique. Alors le Trace Gas Orbiter est un satellite qui a été conçu spécialement pour détecter les gaz. Ses spectromètres sont d'une sensibilité sans précédent. De plus, il fait ses observations durant le coucher, le lever de soleil pour capter un énorme flux de rayonnement solaire et donc de maximum de photons. Ces résultats sont catégoriques, pas de méthane sur Mars. Sauf que depuis 2003, on détecte de très faibles quantités. D'une part, Curiosity, le rover à sa surface, a décelé une quantité de fond de méthane, une fraction de partie par milliard, qui était toujours présent avec un cycle saisonnier mystérieux. Et d'autre part, la sonde européenne Mars Express en a vu en 2003, en 2005, en 2013 et dans une étude parue il y a 10 jours. Alors, comment expliquer ces résultats contradictoires? François Forger est directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Il a participé à cette étude. C'est vrai que c'est une nouvelle énigme à ajouter sur la longue liste des énigmes reliées au méthane martien. Alors que Curiosity semble voir un petit peu de méthane quand il est à la surface, nous dans l'atmosphère, un petit peu à côté, un petit peu au-dessus, on voit rien du tout. On voit même moins de 10, 20 fois moins de méthane. On voit rien du tout et on est beaucoup plus sensible que Curiosity. Donc là, il y a une énigme. Si on voit jamais de méthane actuellement et que dans un an, deux ans, trois ans, un jour, on voit, même vu par le Trace Gas Orbiter, on voit un panache de méthane se développer, on ne ferme pas la porte à cette possibilité-là. Alors oui, là, il faudra remettre vraiment nos compréhensions de l'atmosphère de Mars sur le, en question et travailler sur les mécanismes absolument inconnus qui peuvent expliquer pourquoi on aurait de temps en temps un relâchement de méthane, et puis surtout, pourquoi ce méthane, lorsqu'une fois qu'il est relâché, il est détruit très rapidement, sachant que nous, la chimie et la physique connue nous dit que le méthane devrait quand même avoir une durée de vie d'environ 300 ans. C'est-à-dire que s'il y a une source de méthane, il devrait toujours avoir un petit peu de méthane présent dans l'atmosphère de Mars. Or, c'est pas ce qu'on voit, puisque le Trace Gas Orbiter nous dit qu'il y en a presque pas. Du coup, pour vous, c'est pas un point final, ces résultats? C'est pas tout à fait un point final. On ne peut pas encore réfuter l'idée que dans quelques années ou dans quelques mois, il va y avoir un événement qui va correspondre au relâchement d'une quantité de méthane dans l'atmosphère et qu'on pourra discuter à ce moment-là. Donc, je donne rendez-vous dans quelques années. Si on n'aura toujours pas vu de méthane du tout, à ce moment-là, on pourra dire que le Trace Gas Orbiter a démontré qu'il n'y avait pas de méthane sur Mars et probablement jamais. En bref, hier soir à 22h, la sonde israélienne Bereshit s'est crashée sur la Lune. Une panne moteur de dernière minute est à l'origine du crash. Israël s'apprêtait à devenir le quatrième pays à alunir un appareil, après les États-Unis, la Russie et la Chine. L'atterrissage de Chandrayaan 2, le robot indien, est prévu, lui, pour ce printemps. Voilà un lien entre microbiote et autisme, puisque pour soigner des enfants atteints de troubles du spectre autistique, une transplantation fécale s'est avérée positive. On connaît les liens entre le microbiote intestinal et le système nerveux, c'est ce qui a inspiré cette équipe américaine. 18 enfants diagnostiqués autistes graves ont suivi cette greffe. Deux ans plus tard, la gravité des symptômes de l'autisme a chuté de 45%. Alors, la bactériothérapie fécale se développe de plus en plus, mais pour traiter des problèmes neurologiques, c'est une innovation majeure, d'autant plus que les traitements pour soigner l'autisme manquent d'efficacité. D'autres essais cliniques plus importants sont prévus. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, eh bien cette semaine, c'est une étude qui montre, Natacha, une corrélation entre l'apparence des singes et la taille de leurs testicules. Alors, c'est fatigué d'avance. Alors, c'est des primatologues suisses qui s'intéressaient aux indicateurs de virilité chez les singes. Ils ont comparé 103 espèces et ils ont montré que les plus beaux primates, c'est-à-dire ceux qui sont les plus ornementés, avec des couleurs flamboyantes, de la fourrure, sont les spécimens avec les plus petites gonades. À l'inverse, ceux à l'apparence discrète ou un peu terne, le chimpanzé ou le bonobo par exemple, sont les mieux dotés. Voilà, pas de parallèle avec les humains, merci. Aucun, et aucun lien avec le nombre de personnes à barbe autour de cette table. Je vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, Natacha. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Le 25 mai 1979 sortait sur les écrans américains un film, et c'est chose rare dans le cinéma, qui allait non seulement être le point de départ d'une mythologie populaire incroyablement féconde, mais surtout d'un nouveau genre à part entière qui n'existait, pour ainsi dire, que de façon éparse avant lui, le space horror, l'horreur spatiale. Ce film, c'est évidemment Alien, le 8e passager de Ridley Scott, dont vous entendez le thème en ce moment, et pendant longtemps, il est vrai que l'espace était plutôt un terrain d'aventure, d'affrontement, d'exploration, d'émerveillement. Il devient soudainement un lieu froid, isolé, hostile, peuplé de créatures monstrueuses, invincibles ou presque, qui nous renvoient des images monstrueuses de nous-mêmes, sexualisées, difformes, bref, un lieu de cauchemar absolu. Ce genre, le space horror, a donné lieu à quelques films notables, et c'est dans le jeu vidéo qu'il s'est enrichi, notamment via une franchise apparue au début des années 2000, qui emprunte beaucoup à Alien, Dead Space, littéralement l'espace mort. Alors pourquoi et comment l'espace s'est-il métamorphosé pour devenir cet endroit plus hostile et plus terrifiant que quelconque lieu sur Terre? Nous en parlons avec Guillaume Béchelier, qui est docteur S art et sciences de l'art, professeur d'art plastique et plasticien vidéaste, qui travaille notamment sur le jeu vidéo horrifique. Alexis Blanchet, qui est maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et Simon Rio, rédacteur en chef du site Écran Large. Pour commencer, évidemment, accrochez-vous à ce que vous avez à portée de main. Le cauchemar débute comme ça. La première chose que je ferai quand je serai rentré chez moi sera de manger quelque chose de bon. Ça c'est bien vrai, j'ai sûrement mangé plus mal que ça, mais j'ai souvent mangé beaucoup mieux, crois-moi. Tu te précipites sur la nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu sais, j'aimerais bien bouffer autre chose, mais pour l'instant j'ai que cette nourriture, alors. Tu les paies. Ta nourriture, si tu savais avec quoi c'est fait. Mon Dieu, je tiens pas du tout à savoir avec quoi c'est fait. Je me contente d'avaler. Ben, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a, Kane? Tu te sais pas que c'est terrible. Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Dis-moi, dis-moi. Ça a l'air sérieux. Tu vas te parler. Kane, calme-toi. Aidez-moi, calme-toi. Il faut lui faire mordre quelque chose. Attention, ouvre-lui la bouche. Mets-lui ça dans la bouche. Ouvre la bouche. Allez voir ça. Mets-lui ça entre les dents. Tu vois pas que c'est ce que je fais? Vas-y, Ne le touche pas. Voilà le début du cauchemar. Commentaire libre, Simon Rio, cette scène. Oh, un très bon souvenir. Très bon souvenir, mais ça m'évoque des repas de colonies de vacances. Non, oui, mais c'est une scène matricielle dans le plein sens du terme, c'est-à-dire qu'elle va être dupliquée, repensée. Ce qui est intéressant, moi j'y pense à chaque fois que je la revois, c'est que la saga Alien n'a jamais véritablement osé la rejouer. Il y a bien sûr plein d'autres personnages dont le ventre explose, mais elle est tellement puissante, tellement forte, et pendant que nous écoutions l'extrait autour de la table, nous commentions notamment le sound design de cette séquence qui est incroyable, mais même dans les films suivants de la franchise, on ne retrouve pas ces effets sonores très très particuliers, comme si la perfection de ce momentum avait rendu totalement impossible, même par ses successeurs, on va dire officiels, de le reprendre. C'est ça, moi, qui en général me fascine avec Alien. C'est un film qui crée un genre, mais qui le termine presque en même temps. C'est très compliqué d'arriver après Alien. Guillaume Méchelier. C'est effectivement ce qu'on peut constater dans la franchise, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un début, une fin avec ce premier film. Quand on regarde les différents films sans juger de la qualité et se lancer dans un débat qui fait fureur depuis, mais on a effectivement quelque chose qui se clôt avec ce premier film et qui n'est jamais vraiment reconduit avec la même qualité ou en tout cas le même brio dans les précédents films. Et on a déjà tout le catalogue des thématiques proposées par la saga qui est déjà présent dans ce premier opus. Et même si on va avoir quelques ajouts, on va avoir notamment des variations au niveau cinématographique, hein, avec l'introduction de la série à peut-être des styles cinématographiques un peu différents avec Aliens, ou avec des ajouts thématiques, avec des choses qui vont partir du côté de la tératologie dans Alien 4. On a effectivement quelque chose de vraiment fondamental qui apparaît dès ce premier moment. Alexis Blanchet. Ben, je pense qu'aucun de nous autour de la table n'a vu Alien en salle. Et c'est vrai que moi, je suis né quasiment l'année d'Alien. Hein, donc ça me rappelle en fait que moi, mon premier contact avec Alien, c'est le récit d'un de mes frères aînés qui me raconte Alien. Et j'ai 6 ans et il me raconte pas seulement Alien, il me mime Alien, il me chope pour me faire comprendre qu'est-ce que c'est que d'avoir un alien qui sort du ventre, etc. Donc c'est vrai que c'est probablement la puissance du film, un film assez peu vu en salle. Je crois pas l'avoir vu moi-même en salle, je l'ai vu qu'en vidéo ou sur support vidéographique, mais la puissance qu'il imprime dans l'imaginaire, hein, d'une certaine façon, il appartient à ces films qui, dans les années 80, vont remettre au goût du jour la figure monstrueuse, Alien, Terminator, Predator de la même compagnie de production, la 20th Century Fox. Et donc il y a une espèce de renouveau de la figure monstrueuse dans les années 80 qui probablement part d'Alien, qui ressemble d'une certaine façon à ce qui se passe dans les années 30, hein, autour des grandes figures du cinéma d'horreur de la Universal. Donc il y a un peu un retour comme ça de la figure monstrueuse. Film de vidéoclub, probablement, et d'une cinéphilie, voilà, qui est liée au support vidéographique, qui est tellement important dans les années 80. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est-à-dire que on dit souvent Alien, c'est un basculement de la conception de l'espace. Simon Rio. Alors, de la conception de l'espace, mais de aussi... la représentation de l'espace. Oui, la représentation de l'espace. Oui, absolument. Mais moi, j'y vois aussi, surtout, un espèce de grand écart qui, sur le papier, est complètement invraisemblable entre des codes et des recettes qui sont celles de la série B. D'ailleurs, il faut se rappeler que, avant que Giger ne monte à bord, les premiers designs qui aujourd'hui... Achat Giger, qui est l'artiste suisse, hein, qui a désigné la créature et qui a, voilà, tout un univers qui est très sexualisé et qui a été embarqué. Biomécanique, voilà. Et très sexualisé. Eh bien, avant qu'il monte à bord, l'alien devait être tout simplement un monstre baveux en latex très, très classique, si j'ose dire. Et donc, Alien, c'est rassemblé à la fois une logique de série B et une logique de mise en scène de conception plastique qui est au contraire très très proche d'un cinéma mais quasiment expérimental. Et qui ose des ruptures de ton qui elles aussi viennent, on va dire, d'un cinéma plus peut-être perçu comme auteur ou n'ayant pas peur d'aller vers la symbolique, vers la métaphorique. Moi je me rappelle, on écoutait cette fameuse séquence du chest buster, mais moi la scène qui m'a le plus marqué dans Alien, c'est lorsque Ash, qui se révèle être un droïde, attaque Sigourney Weaver, et c'est de la représentation d'une agression sexuelle qui vient confirmer que l'alien, cette espèce de machin, de principe biomécanique extrêmement sexualisé, est là pour nous montrer qu'il y a tout d'un coup une forme de sexualité violente qui arrive, qui machinise l'homme, y compris l'homme, et ça culmine pour moi dans cette séquence qui est absolument terrifiante et qui rassemble de manière très très violente, absolument, aussi bien une logique de violence de série B, de cinéma d'exploitation, que de cinéma expérimental, et c'est ça pour moi qui fait la folie d'Alien. On va pas rester trop trop longtemps sur Alien parce qu'on avait consacré déjà une émission complète à la série. Ce qui est intéressant, c'est ce genre du space horror qui naît. En fait, quelles sont les prémices qui amènent à Alien? Parce qu'Alien ne sort pas de nulle part tout de même, il y a une sorte de continuité. Est-ce qu'on peut faire remonter à certains films d'exploitation? Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, déjà chez Kubrick, dans 2001, je sais pas, Alexis Blanchet, il y a déjà des germes de à quel moment, en fait, l'espace n'est plus cette vision positiviste ou un lieu d'aventure, un Far West dans lequel on va vivre des aventures extraordinaire, à quel moment le cinéma, la littérature commence à envisager l'espace comme quelque chose de fondamentalement terrifiant. Bah, moi, je reviendrai sur l'appellation de genre. On parle de space horror autour de ce micro. Et il est probable que ce soit pas forcément une appellation de genre qui soit partagée par tout le monde. Je veux dire, vous sortez de la maison de la radio, vous croisez quelqu'un dans la rue, space horror, à quoi. Donc, on est sur une logique un peu de sous-genre. Et d'une certaine façon, qui va renouer quelque chose qui s'est passé dans les années 50, au moment où, dans le genre horrifique, la question de la créature extraterrestre arrive, qu'elle devient une menace. Ça peut donner l'invasion des profanateurs de sépultures, par exemple. Ça donne la chose d'un autre monde. Howard Hawks et Christian Nibby dans les années 40, et à ce moment-là, le genre horrifique contient ce type de monstre-là, puisque c'est un genre qui est construit sur le monstre. Et puis il y a un moment où le genre film de science-fiction se sépare du genre horrifique pour donner lieu à toute une production de films, Planète Interdite, etc., etc. Donc il y a quelque chose, d'une certaine façon, moi si je le regarde d'un point de vue de l'histoire des genres, où se renoue quelque chose entre la thématique de science-fiction et la thématique horrifique autour de ce film-là. Ouais. Alors, oui, Simon Rio, ouais. Juste, moi, de manière très très très subjective. Je dirais que moi, depuis que je suis môme et depuis que j'ai vu les images bien connues du voyage dans la Lune, je sais qu'avec le cinéma, on a envie de faire peur dans l'espace. Moi, gamin, il n'y avait pas d'image que je trouvais plus terrifiante que cette Lune recevant comme ça, souriant et recevant un obus dans le visage. C'est-à-dire Méliès, absolument. C'est une des premières images de cinéma à laquelle on est confronté quand on s'intéresse au cinéma. Et pour moi, môme, ça a été la matière dont sont faits les cauchemars. Et aussi également, Alien est un film qui est allé puiser pas mal dans La planète des vampires de Mario Bava. Et où il renoue justement aussi avec une certaine logique de cinéma, de l'imaginaire, avec une certaine représentation. Et moi, il me semble que La planète des vampires de Bava a été une telle source d'inspiration que, par exemple, quand on voit Prometheus, qui a été également comme Alien réalisé par Ridley Scott, mais bien plus tard, parce que le film doit être de 2013 ou 2014, les combinaisons des cosmonautes de Prometheus ressemblent énormément aux combis bleus et jaunes en cuir de La planète des vampires. Guillaume Béchelier. Effectivement, je rebondis sur ce qui a été dit avant au niveau de la création du genre et l'idée de mélange. C'est qu'il y a un point intéressant, c'est que parce qu'on va venir sur le terrain des jeux vidéo, le lead créatif de donc le directeur de la création de Alien Isolation, donc il y a un jeu de 2014 inspiré de la licence Alien qui est sans doute ce qui a été fait de mieux par rapport à Alien en jeu vidéo, est parti du constat très simple pour lancer la création du jeu que Alien c'était une maison hantée dans l'espace. C'était simplement ce projet-là, si on veut le réduire à son cœur, ça se limitait à ça. Et effectivement, je crois que tout est résumé, c'est-à-dire qu'on a l'idée d'enfermement qu'on a avec la notion de maison hantée, d'épouvante, bien évidemment, sauf que la grande différence avec une thématique de maison hantée est toute simple, c'est qu'on est dans l'espace, et on est très loin de Cosmos 99 ou ce genre de choses. L'espace ici, c'est avant tout un terrain qui est pensé pour être hostile. Et hostile parce que c'est le vide spatial qui est convoqué. Et c'est d'ailleurs dans la franchise, on nous fait le coup 3 fois sur 4, c'est que c'est le moyen ultime pour venir à bout de la créature. C'est ce qu'il y a de plus dangereux au-delà de l'alien, c'est l'espace. Et c'est clairement montré dans les... Bon, je spoil un peu les films, mais bon, je pense que ça devrait aller. C'est ce qui est montré dans les deux premiers et le dernier film officiel de la saga. Donc, il y a vraiment quelque chose qui face qui est mise dans cet espace-là, c'est que les protagonistes de l'histoire, en plus de se retrouver enfermés avec le monstre, ils sont dans un espace qui, même si ça reprend les codes classiques de l'horreur autour de cette notion d'enfermement, n'ont aucune échappatoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une planète où on pourrait éventuellement sortir, ce qui est par exemple le cas dans Prometheus, où on a quand même cette idée où le personnage principal peut quand même réussir, tenter de s'échapper. Là, dans le premier film, voilà, on a cette escalade qui se produit où on passe de la navette au pod qui permet de s'échapper et jusqu'au bout l'alien est présent et jusqu'au bout la seule solution c'est de le confronter à cet espace. Est-ce que justement le basculement qui se produit avec Alien par rapport au film que vous décriviez tout à l'heure Alexis Blanchet, c'est que on n'est plus juste dans un film de monstre, dans une créature dans l'espace, c'est que à partir d'Alien, peut-être même à partir de Kubrick d'ailleurs, l'espace devient un lieu ontologiquement de mort. C'est un lieu mort, c'est un lieu qui accueille la mort, c'est un lieu qui de toute façon convoque la mort, l'obscurité et donc les fantasmes et donc un lieu de cauchemar en fait. Oui, il y a probablement ça. Je pense que le fait qu'on soit allé sur la Lune est probablement déjà un marqueur qui permet de constituer un rapport à l'espace qui nous entoure, à l'espace interstellaire. Je veux dire, l'idée d'avoir des photographies dans les années 60 de la planète bleue et de voir d'une certaine façon notre isolation dans le système solaire est probablement une boîte à fantasmes qu'utilise très largement Alien. Ce que je soulignerais là, c'est un peu le double mouvement. C'est-à-dire, j'en reviens à des phénomènes de production, mais ça c'est un peu mon côté économiste du cinéma, c'est-à-dire qu'on a la 20th Century Fox qui a quand même sorti Star Wars 2 ans auparavant, en 77, et qui d'une certaine façon arrive à faire le contre-exemple même. Star Wars est un space opéra, donc vraiment quelque chose qui est ouvert sur l'exploration. Je veux dire, l'histoire de Star Wars c'est quand même l'histoire d'un fermier qui quitte sa planète désert. C'est du western dans l'espace. Hein. Voilà, pour aller conquérir des mondes et découvrir des planètes autres. Et là, on a vraiment le mouvement inverse dans une approche claustrophobique, dans un huis clos, dans ce film de 79. Et probablement voilà, qu'il faut aussi le penser dans la production hollywoodienne du New Hollywood de la fin des années 70. Ouais. Simon Rio. Oui, mais il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant quand on parle de space horror ou en tout cas d'un sous-genre horrifique dans l'espace, c'est que il se pense peut-être un petit peu en écho au western, qui était ce rapport à la nouvelle frontière, au dépassement de soi, et où bien sûr il y a des dangers, bien sûr il y a de l'hostilité, il y a des bêtes sauvages, il y a les Indiens, il y a tout ce qu'on veut, il y a les desperados, mais il y a la possibilité de conquérir, de devenir maître de cet espace et de repousser l'horizon. Là, c'est exactement l'inverse qu'on voit, c'est-à-dire que cette nouvelle frontière ne fait que ramener l'homme à sa petitesse, à sa vulnérabilité et à son devenir viande, quoi. Et regarder les deux genres en se faisant écho et les imaginer dialoguer est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. On pourrait dire finalement que la racine de tout, en quelque sorte, l'un des premiers auteurs à avoir compris que, eh bien, en regardant le ciel étoilé, c'était une menace, un danger, c'était des éons d'horreur et de choses très anciennes qui regardaient certainement de très loin et qui étaient incompréhensibles à l'échelle de notre pauvre petit cerveau humain, et qu'en regardant par ailleurs sous nos pieds, on se dit mais la Terre fait partie de ce système, c'est Lovecraft en fait. C'est tout à fait. C'est le grand ancien. C'est lui-même qui ouvre cette thématique d'un espace qui n'est pas seulement conçu en termes de distance, mais qui est conçu dans une relation qu'on peut avoir avec lui comme quelque chose d'effroyable, et qui ouvre à une dimension qui va être reprise dans le cinéma et dans les jeux vidéo également, autour d'un rapport sublime au sens philosophique du terme, c'est-à-dire d'une sensation d'écrasement, de démesure face à la puissance de cet espace qui est finalement incarné par les créatures qu'évoque Lovecraft. Et on est dans quelque chose où finalement, avec cette espèce de volonté d'être toujours dans l'indicible, c'est le vocabulaire qui revient toujours chez Lovecraft, on est face à quelque chose qui est complètement abstrait, et c'est finalement le propre de ce qui relève de l'astrophysique, j'ai presque envie de dire, même si Lovecraft n'emploie pas forcément ce terme-là, c'est d'être face à quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer, à cerner et même à comprendre d'un point de vue rationnel. Et c'est un des moteurs de la peur de l'espace, au-delà du vide, du manque d'oxygène qu'on évoquait avec Alien. C'est aussi c'est en lien avec l'actualité, hein, ce qu'on a évoqué autour de cette première image de trou noir, où ça a dû réveiller quelques angoisses métaphysiques chez certains. Voilà, c'est ce rapport-là à l'espace aussi que ça génère, et que Lovecraft avait pressenti dans son intérêt pour cette étendue qui permettait d'aller au-delà des thèmes et des mythes habituels où on va imaginer des choses cachées sous terre, cachées dans l'océan. Là, voilà, il y a une nouvelle étendue qui s'ouvre à nous et qui permet de cacher toutes les horreurs imaginables. Alexis Blanchet. Oui, il y a deux formules en fait. C'est vrai que c'est un objet intéressant parce qu'il concentre pas mal de choses. C'est un chercheur britannique qui dit il y a deux grands récits en fait dans le récit horrifique: l'intrigue de la découverte et l'intrigue de la démesure. L'intrigue de la découverte, voilà, un monstre arrive, personne n'y croit, et c'est souvent le cas de Ripley dans les films. On ne croit pas à la menace qu'elle annonce, et puis la menace fait des dégâts, et puis il faut se liguer tous ensemble pour repousser ou anéantir cette menace. Et puis l'intrigue de la démesure, c'est le savant fou, hein, la figure centrale. Et d'une certaine façon, la saga va mélanger ces deux aspects-là. La découverte, c'est celle des grands espaces, c'est celle de ces grands réseaux de circulation dans l'espace qui couvrent toute la saga. Et puis la démesure, c'est ce moment où on se dit, tiens, mais est-ce qu'on peut pas prendre cette ressource avec la Weyland Yutani, qui est le nom de la compagnie malveillante. C'est aussi ça, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans Alien, finalement, c'est aussi de dire que il n'y a pas que l'espace, il n'y a pas que la créature, tout est malveillance. Finalement, la compagnie est malveillante, le robot, les vaisseaux eux-mêmes sont programmés contre, enfin, tout joue contre ces personnages qui sont emprisonnés entre le milieu dans lequel ils évoluent qui est hostile, une créature qui veut les tuer et une compagnie pour laquelle ils travaillent qui c'est de la chair à canon, quoi. Il y a très peu d'issue pour ces personnages, et c'est vrai que sur le film de 79, c'est en plus des travailleurs, je veux dire, c'est des ouvriers. C'est des ouvriers de l'espace, c'est le prolétariat de l'avenir qui se retrouve confronté à ça et qui se retrouve embarqué d'une certaine façon dans le projet qui est celui de la compagnie qui les embauche. Mais donc voilà, on a vraiment un objet voilà qui synthétise pas mal d'aspects du film horrifique, de la Old Dark House formula dont parlait Guillaume, les maisons fantômes, ouais. Voilà, jusqu'au film de science-fiction. Ouais. Mmh. Est-ce que c'est un peu Simon Rio, du coup, effectivement, enfin Alien, ce space horror qu'incarne Alien, finalement ni plus ni moins l'incarnation d'une conception dystopique de l'espace, une sorte de réponse, comme vous le disiez, à Star Wars, qui est aussi liée en 79 à une bascule qu'on va retrouver plus généralement dans le cinéma d'horreur, en disant c'est la fin du rêve, c'est la fin des péplums, c'est la fin du western, c'est l'arrivée du genre de l'horreur, de la destruction, de la dystopie, de l'apocalypse. Une conception dystopique à n'en pas douter, mais aussi voilà, on évoquait la dimension politique, le commentaire politique qu'il y a dans Alien, mais il est très très fort, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui vont découvrir non seulement que tout ce qui les entoure est hostile, mais que tout ce qui les entoure est mort, très littéralement. Leur prédateur, leur adversaire, tel que Ash, interprété par Ian Holm, le dit, est une machine parfaite. Ils vont découvrir que le vaisseau qui est censé assurer leur protection a beau être un sacré avatar technologique, il fonctionne contre eux et peut causer leur mort. Et enfin, c'est le dernier artefact humain autour d'eux, à savoir leur employeur, qui leur dit non, mais vous êtes périssables, you're expendables. So, du coup, oui, effectivement, il y a un devenir machinique du monde qui est absolument terrible et qui dit le monde de demain, ça va être un monde très libéral dans lequel vos petits rouages organiques sont voués à disparaître ou en tout cas sont parfaitement périssables. Et d'ailleurs, le discours de H après cette tentative d'agression que vous notiez qui est une agression sexuelle puisqu'il essaye en fait d'étouffer Sigourney Weaver avec un magazine qu'il a serré dans ses mains qui essaie d'introduire de force dans sa bouche. Bon, H est mort, il le rebranche. Que dit H à l'équipage ? Écoutez. H, tu m'entends ? H ! Oui, je t'entends. Quel était l'ordre spécial qu'on t'a donné ? Tu l'as lu ? Il était très clair. Mais dis-le-moi. Ramener sur Terre forme vivante. Priorité numéro 1. Toute autre priorité annulée. Saloperie, cette compagnie. Qu'est-ce que vous faisiez de nos vies, espèce d'enfoiré ? Je répète, toute autre priorité doit être annulée. Comment peut-on le tuer, H ? Il doit y avoir un moyen de le tuer, lequel ? Comment peut-on faire ? Vous ne pouvez pas. Il dit des conneries. Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire ? Un parfait organisme. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. Tu l'admires, n'est-ce pas ? J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité. Écoute, j'en ai assez entendu. Débranche-le maintenant, je t'en prie. Pas encore. Quoi ? Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais vous avez ma sympathie. On va faire sauter le vaisseau spatial. Commentaire libre, Simon Rio. Ben oui, c'est un sacré morceau de sympathie. Oui, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, c'est toute l'ironie de cette situation, tout le cynisme absolu dont fait preuve le système qui les entoure, qui se referme sur eux comme une nasse et qui leur dit, écoutez, les gars, ça va peut-être pas bien se passer, mais en tout cas, bonne chance. Guillaume Michelier. Le terme était évoqué dans l'extrait de structure parfaite et effectivement pour revenir à ce qu'on a dit sur la dystopie, c'est exactement le cadre qui est mis en place, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui permet de mettre en place d'un point de vue littéraire ou cinématographique ou autre une dystopie, c'est cette idée d'écart et je reviens à notre thématique de l'espace, c'est effectivement le cas, on est dans un écart total et absolu de se retrouver perdu au milieu d'un système extrêmement loin de la Terre et donc on a vraiment la possibilité de mettre en place tout un effondrement qui est vraiment celui de la dystopie et qui est en train tous ces plaisirs. Et cette vision extrêmement noire de l'espace, puisque la fin originelle prévue par Ridley Scott, ça devait se terminer, Simon Rio, par la mort de Ripley. Ça devait se terminer par la mort de Ripley. Mmh. Si ma mémoire est bonne, c'est Scott qui a évoqué ça lors de la promotion de Covenant récemment, il y a donc quelques mois, un an, et c'était une fin assez terrible et glaçante, mais aussi très intéressante parce qu'elle aurait annoncé, on va dire, des formes mythologiques très différentes par rapport à ce qu'on a connu, puisque pour ceux qui nous écoutent, la fin donc de Alien le 8e passager, Ripley arrive, comme vous le disiez, à ouvrir la porte, l'alien tient encore contre le chambranle de la porte, et elle lui tire dessus, je me demande si c'est pas avec un harpon, bref, elle lui tire dessus pour qu'il lâche, et enfin elle l'éjecte dans l'espace. Dans la fin originale, il devait esquiver le tir qui lui était adressé, revenir à l'intérieur, tuer Ripley, refermer la porte, et là il s'approchait donc de l'émetteur radio, et il imitait la voix, si ma mémoire est bonne, de Dallas, le commandant du Nostromo qu'il a tué un petit peu plus tôt dans le film, et imitant sa voix, et montrant pour la première fois qu'il était capable de répliquer la voix humaine, lançait un appel à l'aide. On va progresser justement sur ce genre du space horror. Donc Alien effectivement pose un certain nombre de bases que nous venons de décrire. Comment est-ce qu'il essaime après ? Alors il y a parfois le space horror, c'est évidemment l'horreur dans l'espace, mais on peut penser à des films que vous évoquez, des films de créatures comme évidemment Predator, qui est une forme finalement de space horror qui se passe sur Terre. On pense évidemment à The Thing de Carpenter aussi, Simon Rio, qui est ni plus ni moins aussi d'un seul coup considérer l'espace comme un nid de danger. L'espace comme un nid de danger et le groupe, le rassemblement, le commun, le collectif comme la source d'une discorde à venir. Et voilà, c'est un film d'un nihilisme absolument, absolument terrible, enfin, ou très réjouissant, selon la manière dont on le regarde. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que autant Alien va être un film qui va marquer immédiatement, qui va être plébiscité, autant The Thing va avoir la malchance de sortir la même semaine qu'un autre Alien qui est E.T. l'extraterrestre et est un film qui va être non seulement pulvérisé par la critique, mais parfaitement ignoré par le public qui n'a pas ou plus envie de ces monstres négatifs. Et si les années 80 vont être une décennie de monstres et de créatures de latex triomphantes, elles vont peut-être pas être une décennie, on va dire, comme pouvait encore l'être Alien, issue du nouvel Hollywood et empreinte d'une certaine critique et d'une certaine noirceur. Et The Thing a beaucoup souffert de ce changement de paradigme. Alexis Blanchet, on l'a dit, hein, Alien, alors ensuite il y a les suites d'Alien, il y a le deuxième évidemment, Aliens de James Cameron qui augmente, qui étend un peu la mythologie, mais effectivement le space horror ça prend pas si bien que ça dans le cinéma, il va falloir attendre de lui trouver de nouveaux visages pour pouvoir s'étendre, puis la science-fiction ça coûte aussi toujours très cher, il y a un problème de budget, qu'est-ce que vous en pensez? En même temps la formule est peut-être économiquement intéressante, je veux dire que si on regarde un peu les films que vous avez mentionnés, on est plutôt sur des films de genre, des petites productions. Je veux dire, on n'a pas des productions ambitieuses. Peut-être que les derniers Alien Covenant et Prometheus sont un peu hors champ. Mais on est sur des solutions qu'affectionne plutôt Hollywood. C'est-à-dire de pouvoir... Le huis clos, c'est bien. Ça demande quelques décors. Ça demande un talent d'écriture, une distribution qui fonctionne. Et on n'a pas besoin de stars parce qu'on a un monstre d'une certaine façon qui est là pour assurer l'effet un peu d'attraction. Donc le genre peut tout à fait correspondre à des productions assez peu ambitieuses, assez économiques. Économique à faire, qui leur assure bon, une exploitation en salle, mais ça c'est plus très important à partir de la fin des années 70 pour les maisons de production en Hollywood. Par contre, il y a un autre créneau qui s'ouvre, c'est le créneau de la vidéo, et ici il y a un genre qui est particulièrement affectionné dans le domaine de la distribution vidéo, c'est le genre horrifique, parce que c'est un genre peu vu et peu diffusé à la télévision, parfois assez difficilement accessible en salle, et donc là on a des productions qui trouvent une formule générique, économe, pas de stars, donc pas d'argent, des petits réalisateurs, souvent des premiers films ou des réalisateurs qui se lancent un peu dans la production sur ce type-là. Bon, bah, c'est la formule parfaite pour pouvoir gagner de l'argent. Hein. Et quand on parle du space horror, il y a un film qui est exactement dans la catégorie que vous décrivez, qui n'a pas fait beaucoup de bruit à sa sortie et qui pourtant est un pilier du genre et qui est cité par les amateurs du genre. C'est un film qui en plus renouvelle le genre d'une autre façon puisque ce n'est plus tellement une créature extraterrestre qui devient inquiétante dans l'espace, c'est bien autre chose. Nous sommes en 1997, le réalisateur s'appelle Paul Anderson, son film Event Horizon. À 3h du matin, le satellite de poursuite a repéré une balise de navigation automatisée qui émettait toutes les 2 minutes dans l'orbite de Neptune. C'est incroyable. C'est l'Event Horizon. Il est revenu. L'Event Horizon est le point d'orgue d'un projet gouvernemental secret pour créer un vaisseau spatial capable d'aller plus vite que la lumière. En réalité, il ne se déplace pas plus vite que la lumière, mais il arrive à créer un passage dimensionnel qui lui permet de sauter instantanément d'un point de l'univers à un autre, à des années-lumière. Il a disparu pendant 7 ans. Où était-il ? Nous sommes là pour le découvrir. Après 7 ans passés aux confins de l'espace. 18 personnes étaient à bord et ont disparu. Je veux comprendre pourquoi. Ouverture porte extérieure. Il est revenu inhabité. Et l'équipage ? Aucune trace. J'ai l'impression d'être dans une tombe. Mais il n'est pas revenu. Seul. Vous ne pouvez pas partir. Il vous en empêchera. Dieu ait pitié de nous. C'est intéressant, Event Horizon, parce que c'est un film dont nous disions, pendant que nous écoutions cet extrait, qu'il est plutôt apprécié par les amateurs de genre. Pourtant, c'est un film qui a une ambition assez folle, puisque ça se veut quand même être à l'origine une forme de relecture du Solaris de Tarkovsky. Simon Rio. Oui, mais quand on confie une relecture du Solaris de Tarkovsky à celui qui réalisera tous les Resident Evil, si vous voulez, c'est un petit peu comme confier un plat vegan à Maïté, on peut avoir des surprises. Le résultat, en tout cas, est vraiment ce qu'on pourrait appeler un petit classique de vidéoclub, c'est-à-dire que c'est le genre de films qui sont amenés à devenir assez cultes parce que très efficaces, très ramassés, avec un casting de gueule assez formidable. Sam Neill, un de ses rôles, moi, que je trouve les plus jubilatoires. Le film est volontiers assez gore, les décors en dur encore, parce qu'on n'est pas au moment du rôle au moment du règne de l'image de synthèse absolument partout. On est en 97, vous l'avez rappelé. Tout simplement, ça fait que c'est un film qui a un parfum très old school, très années 80 finalement. Et moi, il me rappelle dans son imagerie un petit peu, bien sûr, en moins abouti et moins affolant, le Hellraiser de Clive Barker, mais il y a quelque chose un peu d'Hellraiser dans l'espace qui le rend vachement sympa. Guillaume Michelier. qui est intéressant aussi pour ce jeu, c'est ce jeu, ce film, la film justement, au jeu, oui, oui. Ben justement, c'est qu'il a ouvert énormément de portes au niveau du jeu vidéo, parce qu'il a eu une influence très forte pour la création du jeu Dead Space, qui a imposé ce renouveau, ou plutôt même cette émergence d'une horreur spatiale dans l'univers vidéoludique. Et il y a énormément de choses, que ça soit dans tout ce qui est décor, mise en scène, costume, qui se retrouvent dans Dead Space, même si Dead Space s'est nourri également d'Alien, de The Thing. Mais en termes de mise en scène, même de trame scénaristique, on est sur quelque chose de très très proche. On a des images qui sont les flashs horrifiques où les personnages de Event Horizon voient des apparitions de l'enfer, sont littéralement les mêmes flashs que ceux qui se produisent dans le jeu. Donc on a vraiment une filiation qui est très nette. Voilà. Effectivement, ce qui est intéressant dans on parlait de mélange de genres encore une fois tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans Event Horizon, c'est qu'on a vraiment une sorte de mélange assez surprenant, parce que on ne sent pas venir tout de suite dans la mise en scène. C'est qu'on a d'abord de l'horreur spatiale, ou en tout cas une histoire spatiale qui peut évoquer Alien. Et au fur et à mesure, on commence à voir ces images horrifiques qui ont l'air tout droit sorties de Clive Barker. Voilà. Et tout ça, ce mélange. Clive Barker, qui est le maître de l'horreur vraiment littéraire, extrêmement dur, extrêmement violente. Le père d'Hellraiser, on l'a dit, des livres de sang, etc. Un mot peut-être. Juste rapidement sur Event Horizon et sur effectivement son lien avec Dead Space, dont on va parler dans un instant, Alexis Blanchet. Ça sera plus général, parce que en fait je faisais le calcul avant de vous rejoindre. Il y a 25 adaptations d'Alien en jeu vidéo depuis 1982, ce qui veut dire que ça fait partie, pour avoir travaillé un peu sur ces questions là des franchises qui sont les plus vivaces en fait en termes d'exploitation sous forme de jeux vidéo. Alors bon, la première version, qui est un jeu 20th Century Fox Game, hein, au moment où la 20th Century Fox développe sa filiale jeu vidéo, elle durera que 2 ans, puisqu'elle est montée en 82 et elle s'effondre en 84 avec la crise américaine des jeux vidéo. C'est une version de Pac-Man, en fait, où il faut manger les œufs aliens et sortir d'un labyrinthe. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'à quasiment la même époque, on a d'une part, visiblement, un jeu d'aventure textuelle qui s'appelle Alien, qui est une forme de réécriture presque sous la forme de la fanfiction. On imagine une histoire alternative d'un personnage que le joueur ou la joueuse vont incarner et déplacer dans un espace. Et puis, pour avoir travaillé là récemment dans le cadre d'un bouquin à paraître sur le jeu vidéo français, on a interviewé des lycéens français, lillois, dans les années début des années 80, qui ont fait un des tout premiers jeux publiés par Infogrames, qui s'appelle IL, l'intrus. Voilà. Et c'est très marrant de voir que cet imaginaire horrifique, ils l'avaient totalement intégré dans une espèce de copie d'Alien, hein. C'est un jeu d'aventure textuelle et graphique dans lequel il faut visiter un vaisseau, trouver des portes de sortie, et de temps en temps il y a un surgissement de l'alien. Alors surgissement, il faut voir, hein, c'est-à-dire que ligne par ligne sur l'écran du TO7 s'affiche le graphisme, et puis à deux tiers d'écran on voit apparaître quelques points jaunes, et on sait à ce moment-là qu'il y a l'alien qui arrive, et il faut très rapidement taper sur un clavier le fait qu'on quitte la salle. Le problème, c'est que l'alien parfois vous poursuit de salle en salle. En tout cas, c'est assez certain que ce soit le film de 79 ou que ce soit la version de James Cameron pour Aliens, on a, je vais presque dire, un peu deux formes vidéoludiques qui se proposent. La question de l'exploration, de l'espace, la question d'être poursuivi, du survival qui est exploité par une série de jeux. Qui sera repris par Alien Isolation de plutôt belle manière, d'ailleurs. Voilà, largement repris par l'un de ses derniers titres. Et puis, de l'autre côté, avec l'Aliens de Cameron, on a la multitude des aliens, c'est-à-dire cette menace qui a une capacité à se développer, à se renouveler constamment. Et ça, c'est vachement intéressant pour le jeu vidéo, parce que dans des jeux de tir, dans des first person shooters, le jeu de tir à la première personne, évidemment, avoir beaucoup d'aliens à désinguer, c'est formidable pour des parties de jeux vidéo. Alors c'est vrai que jeux vidéo, on ne peut pas ne pas mentionner Doom, hein, puisque Doom est de facto, ça se passe sur Mars, autour de Mars, et puis en enfer, en reprenant d'ailleurs des thèmes qui sont assez proches de ceux d'Event Horizon. Mais quand on parle de space horror dans le jeu vidéo, il y a un titre qui a été évoqué. Tous les joueurs qui y ont joué vous diront qu'ils ont passé de très très très mauvais moments, mais tout en y prenant beaucoup de plaisir, c'est Dead Space. Apparemment, ils étaient pressés de quitter les lieux. La sécurité devrait nous attendre, là. Ouais, on dirait pas. Je vois personne ici. Et je ne capte aucune transmission. Cette console de sécurité fonctionne. Isaac, essayez de voir ce que vous pouvez trouver. Kendra, réactivez cet ascenseur. Plus de courant! Impossible! Alors faites-le revenir, bon sang! Bon. Si nous coopérons tous, on s'en sortira plus rapidement. Faisons parler cet ordinateur, Isaac. Merde, ça sent pas bon, ça. Les équipements ont morflé. Le tram ne fonctionne plus, ça va être dur de se déplacer. On dirait que l'air circule à nouveau. Bon début. Merde, c'était quoi ça ? La quarantaine automatique a dû être trompée par le retour de la ventilation. Que tout le monde se calme. C'était quoi ? Vous entendez ? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, on n'est pas tout seul ici. Non ! Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! Kendra, lumière ! Kendra ! Allez. C'est bon ! Vous êtes foutu comme ici ! Les portes s'ouvrent ! Foncez ! Cours, Isaac ! Fais-moi le son d'ici ! Voilà, vous pouvez entendre que ça se passe pas très bien, l'exploration de ce vaisseau Ishimura pour le personnage que vous incarnez, Isaac Clarke, Isaac Asimov et Arthur C. Clarke évidemment, qui compose le nom de ce héros en hommage aux grands auteurs de science-fiction. Dead Space, ça c'est un extrait du premier opus sorti en 2018, il y en aura deux autres en 2015 et 2013. Guillaume Béchelier, Dead Space, on le dit, les deux premiers sont de très très très bons jeux vidéo et qui vraiment incarnent exactement tout ce dont on vient de parler, de Alien en passant par The Thing, Event Horizon, Lovecraft aussi certainement un peu, tout cet imaginaire concentré dans un jeu vidéo qui est une vraie trouille, une pétoche totale pour le joueur. Oui, c'est un jeu qui est particulièrement, enfin c'est une série de jeux qui est particulièrement efficace, où on a un jeu qui s'inscrit dans un sous-genre de jeu vidéo qui est le survival horror, donc des jeux d'horreur liés à la notion de survie, parce que l'horreur ça peut servir simplement de cadre, de décor, vraiment de décor simplement. Bon, c'est le cas de Doom où finalement ça, ce qui importe c'est pas vraiment l'horreur, c'est on a des monstres sanguinolents, mais ce qui importe c'est de pouvoir tirer sur des cibles. Alors Alexis Blanchet, c'est de défourailler, exactement, il faut tirer au maximum. Et, oui. Mais Dead Space s'inscrit dans ce type de jeu où finalement ce qu'on impose aux joueurs, et enfin ce qu'on impose et ce à quoi le joueur prend plaisir aussi, c'est le fait d'être rationné sur tout. C'est vraiment des jeux qui misent sur l'idée de carence, où on a très peu de vie, on a très peu de ressources, et on est généralement un personnage qui n'a pas spécialement de force. Là, c'est le cas dans Dead Space, où on a le personnage d'Isaac, qui est un simple ouvrier, qui est un mécanicien, et qui n'est pas du tout un militaire surentraîné, comme on a dans la plupart des jeux d'action, pour le dire très vite. Et ce qui va imposer au joueur de forcément prendre garde à ce qui va lui arriver, et de ce fait, on est livré en pâture aux monstres très très facilement. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans des situations où très très vite, on est obligé de s'enfuir beaucoup plus que de lutter. Et ça va être vraiment ce qui va faire le sel de ce type de jeu. Et ce que Dead Space va reprendre en appliquant, comme on l'évoquait à travers Alien, le cadre du huis clos dans une navette. En tout cas pour le premier épisode où vraiment on est limité à l'Ishimura. Et on va rajouter là-dessus la menace de l'espace, du vide spatial, avec quelques séquences avec des sorties spatiales, où vient s'ajouter au problème déjà qu'on rencontre, à la liste sans fin des problèmes qu'on rencontre, le fait qu'on va manquer d'oxygène quand on est dehors. Donc on a vraiment toute une série d'entraves qui vont se rajouter pour rendre la chose très compliquée. Vous êtes en train de dire que c'est un jeu pour masochistes en quelque sorte. Un peu ça. Alexis Blanchet. Oui, non, on a vraiment là un objet assez référencé. C'est ça qui est aussi intéressant, parce que évidemment les développeurs de jeux vidéo sont des spectateurs de cinéma, s'adressent à des publics de joueurs qui connaissent toutes ces références et cherchent peut-être un moyen de les éprouver avec le sentiment d'immersion, l'interactivité, des environnements très sous-exposés dans Dead Space. Donc on a du mal à voir ce qui se passe. On c'était déjà des mécaniques qu'on pouvait revoir dans Silent Hill, hein, survival horror, où parfois des nappes de brouillard font comme apparaître des figures. Donc il y a évidemment toute cette capacité à faire tourner l'imagination du joueur, qui renforce le sentiment d'oppression, de peur et de crainte. Ouais. Qu'est-ce qui explique selon vous le fait que Dead Space soit grosso modo à la au jeu vidéo ce que Alien a été au cinéma, c'est-à-dire vraiment l'incarnation du space horror dans toute sa réussite, parce que d'autres jeux l'ont testé sans trouver exactement la formule. Dans Dead Space, il y a une formule qui fonctionne diablement et qui rend cet objet un peu comparable à ce qu'Alien a été au cinéma. Où est-ce que je m'enflamme? je sais pas si on a là probablement l'idée Guillaume l'a dit, il y a à la fois le genre survival horror, il y a le third person shooter qui est un genre qui s'est largement jeu de tir à la troisième personne. Voilà, ça, on voit le personnage, ça n'est pas comme dans Doom, on ne voit pas que les mains, ça n'est pas subjectif, on a un personnage qui est Isaac Clarke qui apparaît sur l'écran. Voilà, dès la cinématique de départ, hein, le plan cinématique est un plan fixe, qui est d'ailleurs quelque chose encore dans les années 2000 assez rare. Hein, cinématiques qui sont ces séquences audiovisuelles. On aime en général assez bien les animés. Non, l'entrée dans Dead Space est assez abrupte. Et on a ce genre du jeu de tir à la troisième personne qui s'est développé dans les années 2000. On a des joueurs d'une certaine façon qui vont être à l'appel de nouvelles thématiques et probablement voilà qui l'offre cette fusion et de genres populaires dans les années 2000. Les adaptations de jeux vidéo adorent les third person shooters entre 2002 et 2010-2011. Probablement, voilà, ce qui se passe, c'est la conjonction aussi de ces phénomènes qui sont propres à la pratique des joueurs et des joueuses de jeux vidéo, et puis des thématiques auxquelles on confronte ces genres. Avec aussi, peut-être que Dead Space fait partie de ces premiers jeux, Simon Rio, qui ont une ambition cinématographique dans la mise en scène. Je ne sais pas s'il fait partie des premiers, mais il fait effectivement partie de ces jeux qui ont une volonté de citation et de synthèse. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit sur la volonté de citation du jeu. Il me semble qu'il trace un sillon très particulier en matière de gameplay. Et c'est là aussi où il arrive à créer véritablement la terreur. Il reprend un principe qui a été très bien développé dans Silent Hill, c'est que le fait d'affronter les monstres doit non pas générer de l'adrénaline et du plaisir, et le plaisir d'avoir vaincu une grosse saloperie, mais au contraire un sentiment de dégoût et d'horreur terrible. Pourquoi ? Parce que ces créatures sont bien plus puissantes que le joueur, et le joueur est équipé en gros on va dire d'un faisceau laser et n'a pas d'autre choix pour espérer survivre que de les mutiler, notamment de s'en prendre à leurs membres inférieurs pour les ralentir. Et c'est pas du tout un sentiment de victoire qui étreint le joueur quand il affronte ses adversaires, c'est un sentiment de dégoût, c'est un sentiment d'oppression, et on n'a pas plaisir à mener ses actions, du moins un plaisir différé. Mais ce sentiment là c'est aussi ce qui fait qu'au-delà de toute sa galaxie de citations, de toutes ses volontés de synthèse de différents genres, Dead Space crée une manière de jouer qui est de l'ordre de l'attraction-répulsion et qui a un résultat très très puissant. Guillaume Méchelier. Effectivement, celle-là, on vient de mettre le doigt sur, si je puis dire, sur ce qui fait un des points très très forts de ce jeu, c'est la radicalité de son iconographie. Enfin, pour le coup, c'est ma marotte, c'est mon objet d'étude sur ce type de représentation. Et Dead Space va aller plus loin que beaucoup de jeux de la même époque ou plus anciens, et même par rapport à des jeux actuels plus récents, c'est un jeu qui pousse la chose très très loin, en s'inspirant justement de The Thing et l'idée de recomposition de corps. Mmh. Et on va avoir des créatures faut qui s'appellent... Faut préciser, voilà, les nécromorphes. Voilà, les nécromorphes dans le jeu, qui sont des êtres... voilà, c'est l'étape ultime après le zombie, c'est-à-dire que c'est les zombies mais qui auraient un corps recomposé pour créer une nouvelle structure. Et on a une iconographie très très similaire à The Thing avec cette recomposition des corps très très violente et très très horrifique. Ils s'en cachent pas, c'est une des inspirations très fortes du jeu. Et du coup, on a une iconographie qui n'est plus dans le monstrueux, dans ce que ça peut avoir de classique voire de merveilleux. On est dans quelque chose qui relève vraiment la thératologie au sens médical du terme, et c'est ça qui rend aussi l'approche de ces monstres absolument déplaisante. Et comme il était évoqué juste avant, la demande qui est faite aux joueurs c'est celle de mutiler ses corps, et les développeurs ont d'ailleurs créé un terme charmant qui est le démembrement tactique. C'est le terme qu'ils emploient, c'est l'approche de gameplay, c'est-à-dire le fait de devoir viser, et c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans d'autres jeux comme dans Left 4 Dead, où on va viser certaines parties du corps pour ralentir l'avancée des zombies dans Left 4 Dead. Là c'est la même chose, si on veut pouvoir se débarrasser des monstres, et c'est présenté dans une des scènes d'introduction dès qu'on récupère son arme qui est une sorte de cutter plasma, ils appellent ça. Voilà, c'était marqué en anglais cut off their limbs, couper leurs membres, et c'est le seul moyen de s'en débarrasser, contrairement à un jeu classique où il suffit de tirer dans le tas pour s'en débarrasser. Donc ça implique, alors qu'on est dans une situation de stress extrême, ça implique d'apprendre à viser dans cette situation-là. Ce qui fait qu'on est avec qui plus est des munitions limitées. Voilà, tout à fait. On a très peu de munitions. On peut se retrouver dans des combats parce qu'il y a quand même des personnages plus volumineux que d'autres. On a des boss. On se retrouve parfois à devoir compter le moindre de ses coups, et quand on se retrouve à tirer dans les murs, on est bien embêté. On arrive à la fin de cette émission. Ce Space Horror, on a cité quelques noms, quelques titres. Si vous deviez conseiller aux auditeurs une porte d'entrée outre les titres que nous avons cité, que ce soit dans le domaine des films, des jeux vidéo, quelle serait-elle, Simon Rio ? Eh bien, je vais leur conseiller d'attendre un petit peu, parce qu'à mon avis, on va avoir quelque chose d'assez incroyable qui va arriver dans les mois qui vont venir. C'est un film qui a encore quelques jours été programmé pour le mois de mai, mais qui vient d'être repoussé. C'est Ad Astra. Ad Astra qui se voudra tout simplement rien moins que le Apocalypse Now dans l'espace, avec Brad Pitt, et on le doit au réalisateur de Lost City of Z, Two Lovers, c'est James Gray. Et James Gray qui s'attaque à ça, et avec ce casting, je vous avoue que plutôt que de vous conseiller d'autres films, je vais vous dire, attendez sagement celui-là, ça va bien se passer. Bichelier. Pour ce qui est du jeu vidéo, moi j'irais du côté de Alien Isolation, qui est vraiment un jeu qui est absolument incroyable et qui a un avantage aussi par rapport à d'autres types de jeux qu'on évoquait comme Dead Space, c'est que en dehors de l'alien qu'on connaît tous, l'iconographie reste assez accessible et on est face à des représentations de machinerie, d'androïdes, des choses relativement faciles d'accès, même si le jeu est quand même assez éprouvant. C'est, je le confirme, Alexis Blanchet. Eh ben moi, je défendrais l'adaptation de Alien Resurrection sur PlayStation, qui est visuellement quelque chose d'extraordinaire. C'est un des derniers jeux de la PlayStation premier modèle. C'est une adaptation. En général, les adaptations ont mauvaise presse. On pense que ce sont des mauvais jeux vidéo. Et pour le coup, visuellement, il faut voir ce qu'ont fait les développeurs de ce jeu-là, initiant d'ailleurs des innovations dans le domaine du gameplay, par exemple sur l'utilisation des deux sticks dans le cadre d'un first-person shooter. Donc c'est un objet assez intéressant. Voilà, et puis refaites la série, au moins les deux premiers Dead Space, et puis sinon niveau cinéma, on comptait parler de quelques nouveaux films assez récents, qui sont pas des chefs-d'œuvre, mais qui sont pas si ratés que ça, notamment Life de Daniel Espinosa, mais aussi des directs ou vidéos tout à fait sympathiques comme Last Days on Mars ou Europa Report, qui sont des space horror assez réjouissants. Donc si vous voulez passer un week-end à vous faire peur dans l'espace. Merci beaucoup à tous les trois, merci Guillaume Béchelier, merci Alexis Blanchet et Simon Rio, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Aujourd'hui c'est Pierrick Monsigny à la technique. Un mot rapide sur la semaine de grand luxe qui vous attend la semaine prochaine, que nous avons concocté dans le laboratoire de la méthode scientifique, puisque lundi nous recevrons le botaniste Marc Janson, mardi deux prix Nobel pour parler des lasers d'Anna Strickland et Gérard Mourou, mercredi on essaiera de comprendre comment se débarrasser du plastique, jeudi notez-le bien dans vos agendas, nous sommes très très heureux de recevoir de nouveau Alain Damasio qui viendra nous présenter son nouveau roman Les Furtifs 15 ans après la Horde du Contrevent, et puis vendredi journée spéciale sur France Culture, enjeu autour des élections européennes. Nous parlerons des enjeux scientifiques et de recherche au niveau européen, notamment avec Ursula Basser du CERN, mais aussi Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, et Jean Chambaz. Demain à 16h, c'est la conversation scientifique d'Étienne Klein. On se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.